Et la façon la plus rapide de rejoindre votre équipe radio préférée, l'équipe numéro uno sur FM, sur la route des vacances. En mode vacances, demandez votre hit. C'est facile. 11-007-187-RYTHME-FM. Willy William et sa trompette à rythme. Toma que lenta, toma que lenta, toma que lenta.

c'est sur le bord de l'autoroute. Hey, salut mon chum, mon plaisir de te revoir. Qu'est-ce que tu vois en musique, OK? On va finir comme ça. Alors, parfait. Rappelle-nous à quel endroit, Yannick, c'est tout juste à côté de Trois-Rivières. C'est la sortie Yamachiche. Sortie Yamachiche 187, le club multivoise, 12751, rue Notre-Dame-Ouest. Maudit que tu m'énerves! Maudit que tu fais une belle vie! Qui veux-tu entendre en musique? J'aimerais entendre Bryan Adams! Bryan Adams qui s'en vient sur les prochaines ici au party samedi. Daddy Yankee, Katy Perry, with Snow. À rythme! Got me feeling spicy. I know that we don't speak the same language, but I'm gonna let my body talk for me. Well, I mean, I'm okay. Little Miss Girl got me feeling nice. I know that we don't speak the same language, so I'm gonna let my body talk for me. Yes, she juggling Ali. Every way me but me never left her at all. You said that I mistook me at the Ram Dance, man. Ram it in a dance, I'll in a nation. You never know, say that I mistook me at the Boom Shot. I tap and never lay it down flat. And I want cardboard box. You said that I'm a Yankee, I go reaching out. Ça sonne comme ça. Mixé avec celle-là. La playlist parfaite. Rythme. Tout comme Rythme 105.7, Mohawk Bingo à Saljani Courtier Immobilier, les restaurants Ottavio et Tourisme Antigua et Barbuda ont fait appel au camion publicitaire Accent Média. Pour une campagne publicitaire efficace, Accent Média va où votre public cible se trouve. Envie de mieux dormir? Endy vous offre le sommeil de vos rêves avec un matelas fabriqué au Québec. Participez au concours Endy à gagner un matelas Endy du modèle et de la taille de votre choix ainsi qu'un ensemble d'oreillers, de draps et plus pour le sommeil. Inscription au rythmefm.com. La floraison de la lavande, c'est maintenant à la Maison Lavande de Saint-Eustache. Nous sommes ouverts tous les jours, y compris les jeudis et vendredis soirs. Plus de détails sur maisonlavande.ca. Partez en vacances l'esprit tranquille en mettant vos dettes de côté. Parlez-en à Jean Fortin. C'est gratuit et confidentiel. Présentement, si vous faites l'achat d'un Silverado 1500, vous profitez du même prix que les employés sans être un employé Chevrolet. Pas besoin de venir au bureau demain, ni l'autre demain.

was a face, oh baby. I talk to you in the night, in the dream of love so true. I talk to you in the night, in the dream of love so true. In the night, in my dreams, I'm in love with you. Cause you talk to me like lovers do. I feel joy, I feel pain, cause it's still the same. When the night is gone, I'll be alone. Another night, another dream, but always you. It's like a vision of love that seems to be. A jugar. ¡Vamos! non. Ben, vous êtes à la bonne place. Vous écoutez le Party 4 à 7, Saguenay 98.3, Québec 102.9, Trois-Rivières 100.1, Sherbrooke 93.7, 98.1, Montréal 105.7, Triple DVD, it's okay, it's alright, Freaky D, arrête. Downtown, all around the town, all the girl, them know I wanna look a man now. In Miami, I wanna big man now. In Texas, they want a big man now. In LA, they want a big man now. Washington, you know they want a big man now. Detroit, they want a big man now. Notre party samedi 4 à 7 avec votre chum, DJ Ricky D, les plus gros succès party de l'histoire jusqu'à 7 heures. Et vous savez que Cogeco ne recule en devant rien. On ouvre le coffre-fort de rythme pour payer un party 4 à 7 du dimanche sur la route des vacances. Ici avec ma consoeur Brigitte Mondor de Cogeco Circulation 730. Brigitte, les nouvelles sont bonnes cet après-midi partout au Québec sur les écrans du ministère des Transports. Oui, ça va bien. Il n'y a pas vraiment de gros problèmes nulle part. Sur l'île de Montréal, on ramassait des meubles. Je pense qu'on en a ramassé assez pour meubler un 4,5. Soyez prudents. Si vous déménagez des meubles, si vous déménagez des grosses choses, assurez-vous que c'est bien attaché dans votre roulotte. Et en périphérie, c'est des accidents. On ralentit, on est en vacances, c'est les vacances de la construction, il y a bien du monde sur la route. Prenez ça zen, prenez ça relax, ça va bien aller. Petit rappel qu'à partir de demain soir, et ça pour les deux prochaines semaines, on va circuler à une voie par direction sur le pont La Violette pour traverser le Saint-Laurent entre Bécancour et Trois-Rivières. Il y a des travaux aussi également qui dérangent pas mal sur l'autoroute des Cantons de l'Est dans le secteur de Stockley. Alors ça, on passe à une seule voie, puis toute l'après-midi, ça a été quand même assez congestionné. Qu'est-ce qu'on fait quand on arrive dans la congestion? Je ne m'en rappelle pas! On baisse les fenêtres et on monte le son. Évidemment, dans la métropole, il y a feu d'artifice, prestation du Canada ce soir, alors fermeture du pont Jack Carter. Oui, Jacques-Cartier sera fermé, exact. Et la rue Notre-Dame également à partir de Pinneuf jusqu'à Papineau. Brigitte Mondor, c'est un plaisir. On se connaît depuis plusieurs années. C'est la première fois qu'on partage les ondes. C'est un honneur, Brigitte. Bien, ça me fait tellement plaisir d'être là. Puis ça fait longtemps que je n'étais pas venue dans le studio de Ritz. C'est très festif ici. Mais quand même! Et tu as droit à une demande spéciale comme invité spécial. Tu sais que moi, j'aime beaucoup Mia Martina avec Burning, Burning, Burning, Burning, Burning. Arrête! Tu la demandes seulement parce que je t'ai donné l'ordre de le faire. J'aimerais bien écouter Dua Lipa. Oui, mais tu vas taper Mia Martina et on aura Dua Lipa un peu plus tard ici à rythme, OK? OK. Bye-bye. Bye-bye. Burning, burning, burning, burning, burning just like a fire. Burning, burning, burning, burning for you tonight. Faut de sang, faut de sang, faut de sang. Viens danser avec moi. Chez moi, yeah, on sort ce soir. Je veux danser et j'attends que pour toi. T'es charmant, babe, j'aime ce que je vois. Ton regard me rend folle de toi. Je me maquille, je me fais belle pour toi. Rouge à lèvres, talons hauts, on y va. Dépêche-toi, babe, pourquoi t'es pas là? Je veux danser toute la nuit avec toi. Pour vos tunes préférées. Ah, puis celui-là aussi. La playlist parfaite. En mode vacances. Génération 90-2000, c'est... Deux heures où on vous offre les plus gros hits de deux solides décennies. Génération 90-2000 avec Tatiana. Demain, de 9 à 11. Arrête, 105.7. Rythme est présentement en mode vacances. Peut-être que vous l'êtes aussi ou le serez prochainement. En tout cas, je vous le souhaite parce qu'il faut bien l'avouer, il n'y a rien de plus fun que de partir pour un super séjour en famille. Puis ce qui est super aussi, c'est de s'arrêter en chemin au Super C pour garnir la glacière et le panier à pique-nique. Super C, oui, c'est la destination pour profiter cet été d'une super sélection de produits de qualité à super prix. Hey, c'est super, Super C. Hey, le Tiguan de Volkswagen a un moteur turbo et la traction intégrale 4Motion de série. Fait que le Tiguan, là, c'est parfait pour ton petit week-end dans ton petit chalet. Financez le Tiguan à 0,99% jusqu'à 60 mois durant l'été en Vaux. Sur approbation de crédit avant le 31 juillet. Volkswagen. Salut, c'est encore moi, votre expert en sommeil. Dormez-vous à temps plein et thérapeute de couple à temps partiel. Quand ils arrivent ici, ils sont cernés. Ils s'endurent plus une vraie bataille d'oreiller. Je leur dis, c'est correct. Chacun ses besoins, chacun son oreiller idéal. Chez Dormez-vous, on veille à votre sommeil et sur les couples. Pour une durée limitée, achetez l'un de nos oreillers vedettes et obtenez-en un deuxième gratuitement. Les restrictions s'appliquent. Voir en magasin ou en ligne. Une journée au parc, ça trompe pas. Avec les zèbres, vous vivrez une journée haute en couleurs. Et avec l'arrivée des kangourous, c'est dans la poche. Parc Safari, pas bête! Cool, ton perroquet! Est-ce qu'il parle? Oui, mais seulement de la carte BMO Eclipse Rise Visa. Hein? Tu vas voir. Obtenez 5 fois les points sur l'épicerie et les restos. Ben oui, toi. Et les points quand vous payez votre solde de carte de crédit à temps tous les mois. Tous les mois. Mais viens d'où ce perroquet-là? Zou! Vu qu'il porte un petit veston, je dirais plus de la banque. Soyez récompensé avec la carte BMO Eclipse Rise Visa. Des conditions s'appliquent. Marque de commerce de Visa International Service Association et utilisée sous licence. Le bacon à l'érable est de retour chez Tim. Du bacon fumé croustillant avec une garniture sucrée salée à l'érable et un œuf d'ici fraîchement cassé, servi sur notre nouveau croissant cheddar. Essayez le petit matin bacon à l'érable chez Tim dans les restaurants participants au Canada pour un temps limité. Chez Toyota, on sait que la vie est pleine de petites victoires. Comme assembler ce fauteuil facilement et sans pièces en trop. Taillotte! Ça, ça veut dire bravo! On conçoit nos véhicules primés en fonction de vos besoins pour que vous puissiez finalement retourner votre fauteuil parce que sa couleur jaune et les rideaux mauves ne matchent pas vraiment. C'est l'heure des victoires quotidiennes. C'est l'heure Toyota. Découvrez le BZ4X présentement en stock chez votre concessionnaire Toyota et voyez nos offres sur achetezlatoyota.ca. Walmart est l'endroit numéro 1 pour économiser sur l'épicerie. Économisez 1,53 $ sur une chopine de bleuets frais, maintenant seulement 1,44 $ chacune. C'est une économie de 51%. Walmart, économisez plus, vivez mieux. Dites oui à la protection qui dure toute la journée et profitez de journées sans stress grâce à la protection discrète de Deep End. Inscrivez-vous sur deepend.ca pour recevoir votre trousse d'essai Deep End gratuite. Deep End, la seule chose plus forte que nous, c'est vous. Le Cirque du Soleil est de retour sous le grand chapiteau avec un monde de merveilles. Curios, cabinet des curiosités, présentement à l'affiche. Sous le grand chapiteau au Vieux-Port de Montréal. Curios remercie son partenaire principal Sun Life. Billets en vente au cirquedusoleil.com. Voici le son fait par une personne qui boit du jus de kale dans un verre Pokal de Ikea à $1,49.